La gloire, la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous ce soir, au moment où à nouveau nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu. Notre étude de ce soir, toujours dans la perspective de ce qu'est le thème de ce séminaire, à savoir prophétie sur la fin des temps dans le livre de la Genèse, notre sujet de ce soir, je l'ai emprunté à un des plus grand commentateur de la Bible du siècle dernier, le professeur Umberto Casuto. Et parmi les nombreux ouvrages qu'il a publiés, il y en a un qui porte ce titre et qui sera notre sujet ce soir, « D'Adam à Noé ». Pour cela, nous allons faire une lecture dans le livre de la Genèse, bien évidemment, et dans le chapitre 6, verset 9. Et dans ce chapitre, pour la troisième fois, depuis le début de notre réflexion sur le livre de la Genèse, nous trouvons cette allusion à cette notion si importante que nous avons étudiée ensemble ce matin, les générations, ou plus exactement les engendrements, en hébreu, les toldot, qui, comme nous l'avons vu, peut aussi se traduire par une histoire. Voici les engendrements, voici l'histoire de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Ce texte est un texte important, parce qu'il intervient après toute une série aussi de généalogies sur lesquelles nous passons, parce que nous n'avons pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais où nous trouvons ce que nous pourrions appeler Adam après la chute. Adam après la chute, eh bien, va aussi connaître des drames. Il nous est dit que selon la promesse que Dieu avait faite à la femme, elle devient enceinte et elle enfante un fils. Et nous voyons ici comment justement il y a eu vraisemblablement, de la part du premier couple, Adam et Ève, une réelle repentance à la suite de ce qui s'est passé. Parce que justement, Ève notamment va vivre de cette promesse que son descendant écrasera la tête du serpent. Et lorsque naît ce garçon, elle va lui donner le nom de Cain, Cain en français. Ça vient d'une racine, liknot en hébreu, qui signifie acheter, acquérir, mais en vieil hébreu, et notamment ici en hébreu biblique, ça a la signification créer. Et ce que dit Ève après la naissance de cet enfant, c'est ceci, « Kaniti et ha'ish et Elohim ». J'ai obtenu l'homme, ou plus exactement, j'ai créé l'homme. Cet homme dont Dieu a parlé, quand il dit qu'il écraserait la tête du serpent, j'ai créé cet être-là avec Dieu. Pas toute seule, mais véritablement avec Dieu. Et pour parler court, Ève s'imagine que cet enfant n'est autre que le Messie promis. Dangereuse illusion pour elle, elle en reviendra vite. Mais effectivement, c'était son idée première. C'était donc ce premier-né qui, à ses yeux, était tellement important. Puis, naît un deuxième garçon qui, lui, finalement, dans la perspective qui est celle de ses parents, Adam et Ève, n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'importance. Alors, on va le nommer Hevel. Abel en français. Hevel, ça veut dire rien. néant, quelque chose de vain, quelque chose de sans importance. Hevel, Hevelin, vous retrouvez ça par exemple dans le livre de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Hevel, c'est précisément ce garçon qui n'est que vanité, qui n'a aucune importance par rapport à son frère Caïn, qui, lui, est celui que le Seigneur a choisi pour écraser la tête du serpent. La Bible nous dit que ses enfants grandissent. Et selon la malédiction que Dieu avait donnée à l'homme, être obligé de gagner son pain à la sueur de son front, eh bien, ces deux garçons vont exercer ce que pourrait appeler une profession, si tant est qu'à cette époque, on puisse déjà parler de profession. Et il nous est dit que Caïn devint agriculteur, tandis que son frère Hevel, Abel, était un berger. C'est intéressant de noter que dans toute la Bible, et non seulement dans toute la Bible, mais dans toute l'histoire du Moyen-Orient jusqu'à nos jours, il y a toujours eu une opposition, un antagonisme entre les agriculteurs et les bergers. Et les bergers, il ne faut pas évidemment imaginer les bergers comme ceux qu'il a pu y avoir dans nos régions, et nous imaginer que, par exemple, quand nous lisons le psaume 23, les gras pâturages du désert dont parle David étaient semblables aux prairies de Normandie ou bien de Suisse. Les gras pâturages du désert, c'est une touffe d'herbe tous les 50 mètres. C'est-à-dire que la profession de berger est associée avec l'existence du désert. Désert qui est finalement, nous l'avons vu, une malédiction de Dieu. Le péché rend le pays fertile désert. Et l'Éden, à cause du péché de l'homme, est devenu un désert. Bon, il y a plusieurs mots en hébreu pour désigner le désert. Et le mot qui est le plus souvent employé dans la Bible, c'est le mot « midbar ». Midbar, ça n'est pas à proprement parler un désert. C'est une région où il ne pleut pas suffisamment pour que l'on puisse pratiquer l'agriculture, mais où il pleut néanmoins suffisamment pour qu'on puisse élever du petit bétail, c'est-à-dire des chèvres et des moutons. Et ces chèvres et ces moutons, eh bien, vont devoir évidemment migrer au rythme justement des pluies. Et de l'assèchement éventuel des puits l'été. Donc, les bergers sont, par la force des choses, des nomades, des gens qui se déplacent pour aller de lieu en lieu. Par contre, nous trouvons, dans un pays qui est plus fertile, des agriculteurs. Le problème, c'est que lorsque viennent des temps de sécheresse, et que les précipitations dans l'humide bar ne sont pas suffisantes, la tentation des bergers, c'est de pousser leurs troupeaux dans le pays fertile, où ces fameux troupeaux vont évidemment consommer ce qui a été semé par les agriculteurs. Alors vous comprenez bien que ça ne fait pas tellement leur affaire aux agriculteurs. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un des aspects typiques du Moyen-Orient. Il y a souvent des empoignades, des bagarres entre bergers et agriculteurs, précisément pour le contrôle, par exemple, des points d'eau, et aussi parce que, justement, les brebis viennent ravager les cultures qui ont été semées par ces mêmes agriculteurs. Et voyez-vous, cet antagonisme-là, il remonte aux origines. Et dans la culture du Moyen-Orient, et par conséquent dans la Bible, le berger a toujours été un être méprisé. Les agriculteurs, c'est l'aristocratie. Les bergers, c'est le prolétariat. Et nous dit par exemple que lorsque les Israélites vont descendre en Égypte, le pharaon va leur demander « Quelle est votre profession ?» Et Joseph a recommandé à ses frères de dire « Tes serviteurs sont bergers depuis leur jeunesse, car les bergers sont en abomination aux Égyptiens. » Et par conséquent, eh bien, le pharaon ne permettra pas que vous veniez vous installer au milieu des populations égyptiennes, ce qui est une volonté de Dieu, pour que le peuple d'Israël ne soit pas contaminé par l'idolâtrie des Égyptiens. C'est aussi quelque chose que nous retrouvons quand nous lisons le psaume 23. Psaume 23 qui, pour nous, donne une affirmation qui nous semble absolument banale. L'Éternel est mon berger. Pour un oriental, c'est tout simplement scandaleux. Les bergers sont méprisés, les bergers sont rejetés. Et par conséquent, comparer Dieu, le Dieu Tout-Puissant, ce Dieu dont nous avons parlé ces jours, qui est le Créateur de toutes choses, le comparer à un berger, pour un oriental, c'est tout simplement scandaleux. Mais David lui-même appartenait aussi à cette communauté méprisée de bergers. Et vous vous souvenez, lorsque le prophète Samuel reçoit de Dieu l'ordre d'aller dans la maison d'Ishaï à Bethléem pour oindre quelqu'un qui va remplacer Saül que Dieu a rejeté, Ishaï fait passer devant Samuel 7 de ses fils. Et finalement, le Seigneur dit de chacun d'eux, « Non, pas celui-là, je l'ai rejeté. » Et quand arrive le 7e, Samuel est complètement décontenancé. Il dit, « Mais Seigneur, tu m'avais dit que c'est dans la maison d'Ishaï que je trouverai un successeur à Saül. Et voilà, il vient de me présenter tous ses fils, et tu as dit qu'aucun d'entre eux n'était le roi que tu avais choisi. » Et soudain, Samuel a une idée. Il se tourne vers Ishaï et dit, « C'est tous tes fils, ça? Tu n'en aurais pas un autre, éventuellement ?»« Ah, oui, bien sûr, oui, j'en ai un autre, oui. Le petit dernier, là. Mais c'est un berger, tu comprends. » Alors, j'étais absolument sûr que Dieu n'allait certainement pas choisir comme roi sur Israël un berger. Donc, je l'ai laissé là où il était, avec ses brebis. Et Samuel dit, mais fais-le quand même venir. Et quand David arrive, Dieu lui dit, eh bien, c'est lui. Prends ta corne d'huile, oint-le. Dieu va choisir pour chef de son peuple un berger. Parce que lui-même est le berger de son peuple. Et pourquoi justement aussi cette haine du berger ? Bon, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, mais aussi pour une autre raison, parce que le berger est quelqu'un qui va de ci et de là. C'est un nomade. Il ne s'enracine pas. Il ne se sédentarise pas. Et pour des sédentaires, cet individu est quelque chose de tout à fait étrange. Comment se fait-il que... d'où vient-il? Où va-t-il? Qu'est-il? C'est un personnage inquiétant. C'est un personnage qui est, en quelque sorte, un autre qui vient d'ailleurs. Ça veut dire, finalement, qui vient de Dieu. Et ce n'est pas sans raison que la Bible appelle Dieu un berger. Ce n'est pas sans raison que David, le grand roi, qui sera l'image du Messie, est un berger. Ce n'est pas sans raison que Jésus, lui aussi, dira « Je suis le bon berger ». Ça aussi, c'est scandaleux pour ceux qui l'écoutent. Mais Dieu est un berger, et comme le berger, il dérange, il interpelle, il remet en cause ce qui est finalement le désir des agriculteurs, des sédentaires. Recréer le jardin d'Éden, revenir à l'Éden. Et voilà, il y a deux visions qui sont complètement différentes, celle du berger et celle du sédentaire. Et entre ces deux personnages, le conflit est inévitable. Et bien sûr, il y a ce problème du sacrifice et de l'approbation de Dieu. Je ne pense pas que Dieu en ait voulu à Caïn parce que Caïn lui avait offert non pas des sacrifices sanglants, comme on le dit dans une certaine tradition chrétienne. Caïn a offert à Dieu ce qu'il avait sous la main, ce qu'il produisait, des produits de son sol. Abel a offert à Dieu des agneaux parce que c'était aussi ce qu'il produisait. Et le problème n'était pas la nature de l'offrande qui avait été offerte au Seigneur par les deux frères, mais le cœur, les dispositions d'esprit avec lesquelles ils avaient apporté ces offrandes au Seigneur. Et voilà, Dieu va rejeter l'offrande de Caïn, parce que Caïn est finalement quelqu'un qui n'a pas une confiance totale en Dieu. Nous allons voir, par exemple, un peu plus tard, après le meurtre de son frère, il va construire une ville. La ville, dans la Bible, c'est quelque chose de très négatif. Ville se dit en hébreu « ir ». Et le mot « ir » vient d'une racine qui signifie « maudire ». La ville, c'est le lieu de la malédiction. C'est un lieu qui est maudit par Dieu. Pourquoi ? Parce que justement, c'est cette révolte contre Dieu, cette volonté de l'homme de reconstruire cet Éden qui a été perdu, de reconstruire par lui-même, par ses propres forces, ce paradis dont il a été exilé par le Seigneur. C'est dans ces villes où les hommes s'agglutinent comme des insectes en quelque sorte, que aussi s'ajoutent les unes aux autres toutes les tares justement des individus qui composent cette ville. C'est dans les villes qu'on voit l'explosion du péché, beaucoup plus que dans les campagnes. Nous avons vu hier ce que nous dit le psalmiste, « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Mais on pourrait ajouter « Et le béton raconte la gloire de l'homme ». Et voyez-vous, là on est dans deux visions totalement différentes. Abel était un homme de la campagne. Caïn était un homme des villes. Parler de ville à l'époque de Caïn, c'est pratiquement assez comique, parce qu'on est très loin de nos grandes mégapoles modernes, Tokyo, Mexico, New York et d'autres. Mais ce sont, à notre échelle moderne, ça n'était que de petits villages, de quelques centaines, au mieux de quelques milliers d'habitants. Mais c'était déjà le prototype, c'était déjà le point de départ de cette évolution qui allait faire en sorte que l'humanité, justement, aussi choisisse de vivre dans des villes. Jusqu'en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, 80%, 75%, je pense, de l'humanité vivait à la campagne. Aujourd'hui, la proportion est inversée. 75% de l'humanité vit dans des villes. La ville, ça n'est pas ce que Dieu a voulu. Et pourtant, eh bien, l'histoire de l'humanité, qui a commencé dans un jardin, le jardin d'Éden, va s'achever dans une ville, la Nouvelle Jérusalem. Ça veut dire que l'homme a voulu, dans cet esprit de révolte, essayer de reconstruire par lui-même justement ce paradis perdu. Et Dieu, nous aurons l'occasion d'en parler avec Babel. Babel, la confusion en hébreu. Dieu va confondre l'intention des constructeurs de cette ville. Et finalement, il va rendre caduc, nul leur projet. Mais Dieu dit, bon, vous voulez une ville, très bien. Cette ville, c'est moi qui vous la donnerai et c'est moi qui la construirai. Et voyez-vous ici, c'est quelque chose, c'est une notion extrêmement importante parce que les drames provoqués, comme l'avons dit ce matin, par l'infidélité et les souffrances des hommes, sont en fait repris, récupérés par la navette du divin tisserand pour faire ce tapis merveilleux que nous avons évoqué ce matin. Même la révolte de l'homme sert mystérieusement au plan de Dieu. Et Paul nous dira que Dieu a créé certains hommes pour être des vases d'honneur, mais d'autres aussi pour être d'un usage vil, des vases d'un usage vil, c'est-à-dire des méchants. Et dans le plan de Dieu, pour accomplir son œuvre, il a besoin aussi des vases d'un usage vil, c'est-à-dire il a besoin des méchants. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu va forcément approuver les méchants, ça c'est une autre chose. Mais Dieu va utiliser jusqu'à leur révolte pour manifester justement ce qu'est son plan. Caïn, donc, ne supporte plus son frère, qui est justement une véritable réprimande quant à son attitude vis-à-vis de Dieu. Abel est approuvé de Dieu parce que lui, justement, se confie entièrement dans la miséricorde de Dieu. Il sait qu'il est en exil. Il sait qu'il est dans le désert. Mais il fait confiance à Dieu, comme on dit ce matin, pour que Dieu conduise vers ce qu'il a promis, vers un nouvel Éden où la justice habitera. Alors il supporte pour l'heure la souffrance qu'est cette errance dans le désert. Caïn, au contraire, cherche à s'en affranchir. Et le drame éclate, c'est le premier meurtre. Et là, en l'espace de quelques secondes, la moitié de l'humanité est détruite. Et les sages d'Israël ont dit, celui qui tue un homme ne tue pas simplement un être humain, mais il tue sa descendance potentielle. Ça veut dire qu'il tue une grande partie de l'humanité. Et Caïn va se trouver dans une situation où il va donc être tailladé, travaillé justement par un esprit de jalousie vis-à-vis de son frère jusqu'à ce qu'il passe à l'acte. Et tu vois ce mauvais sentiment qui est entré dans le cœur de cet homme. Et il l'interpelle. Pourquoi ton visage est-il abattu? Et Dieu lui dit, si tu agis bien, certainement tu relèveras la tête. Mais si tu ne le fais pas, le péché se couche à ta porte. Et dans le texte hébreu, il y a cette notion, comme une bête féroce qui est en embuscade, tapie dans un buisson, prête à sauter sur sa proie. Le péché, c'est cette bête féroce qui te guette, Caïn. Veata tuchal lo. Alors, ça veut dire deux choses. Mais toi, domine sur ce péché, sur cette tentation qui t'atteint. Et puis, on peut aussi traduire de la manière suivante. Tu pourras dominer sur lui. Tu en as les moyens. Tu en as la capacité. Il faut que tu relèves la tête. Il faut que tu pratiques ce qui est bien. Et cette bête féroce qui est couchée à la porte de ton cœur s'éloignera. Caïn refuse. Et c'est le drame que nous avons évoqué. Et bien sûr, quand Ève, qui avait mis tout son espoir dans ce fils qu'était Caïn, voit ce qui s'est produit, elle comprend qu'elle s'est trompée. Et de Adam et Ève va naître un troisième fils qui va remplacer Evel qui a été tué, qui va se nommer, qu'ils vont appeler Seth. Ce qui veut dire celui qui a été ajouté, celui qui a été, qui remplace en quelque sorte celui qui a été supprimé. Et le livre de la Genèse nous dépeint alors deux lignées de Toldot, d'engendrement, qui vont naître de ces deux enfants, la lignée de Caïn et la lignée de Seth. Et ces deux lignées sont marquées justement par leur fondateur. Comme nous l'avons vu, tout fondateur, eh bien, entraîne ceux qui le suivent dans les chemins qu'il a lui-même choisis. Caïn est un homme qui a choisi le chemin de la révolte contre Dieu. Et lorsqu'il a commis son crime, Dieu l'interpelle. « Où est Abel, ton frère ?» Et Caïn, vous savez, répond en disant « Mais est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Et le Seigneur dit « Mais le cri du sang de ton frère est monté vers moi. » Toi qui voulais justement t'établir, te sédentariser, maintenant tu vas être, même si tu te sédentarises, tu seras nomade, tu seras errant sur la terre. Ça veut dire que Caïn est quelqu'un qui a perdu la boussole dans le désert de ce monde, dans cet exil que nous avons évoqué. Au lieu de prendre le chemin de la foi, avec cette certitude que Dieu place devant lui un avenir et une espérance, il va errer sans but, sans aucun point de repère. Et en cela, Caïn est un type extraordinaire de l'homme moderne. Il remonte aux origines des temps, mais il typifie mieux que n'importe quel autre personnage biblique ce qu'est l'homme moderne. L'homme qui s'est révolté contre Dieu, l'homme qui veut construire lui-même son propre paradis par sa technique, par sa science, par ses capacités, celui qui, grâce à ses capacités qui sont les siennes, se prend pour Dieu, mais qui finalement, alors qu'il réussit des réalisations absolument extraordinaires, qu'il construit des villes, qu'il construit, nous allons voir, ses descendants qui vont créer l'industrie, la métallurgie, la musique, et aussi toutes sortes de déviations dans le péché, la polygamie, avec un descendant de Caïn, Lémer, qui va être le premier à prendre deux femmes. Donc la décadence aussi sur le plan des mœurs, qui est aussi une des marques typique de notre temps, et surtout qui va être un homme profondément angoissé, parce qu'il a perdu tout point de repère. L'homme moderne est un errant. Il ne sait d'où il vient, il ne sait où il va, il ne cherche d'ailleurs même pas à le savoir, il se contente de jouir du temps présent, du moment qui passe. Plus tard, Paul caractérisera cette mentalité de cet homme qui, à l'instar de Caïn, est errant sur la terre. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Tout ce que tu peux espérer, c'est de profiter de cette vie. Il n'y a rien après cette vie. Tout est fini, c'est la mort. Et le premier couple a déjà été affronté à la mort en la personne d'Abel. La mort, maintenant, ils savent ce que c'est. La mort, finalement, c'est quoi? C'est le paroxysme de l'exil. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Par conséquent, c'est vraiment le comble de l'exil. Et à l'inverse, la résurrection, eh bien, c'est la fin de l'exil. C'est le retour, justement, dans la présence de Dieu. Caïn est quelqu'un qui va être justement marqué par cette absence de point de repère qui est typique justement de notre monde moderne. Et pour essayer de vaincre son angoisse, pour essayer de donner quelque sens à sa vie, eh bien, cet homme, cette lignée de Caïn, invente la technique. Et ça, nous l'avons vu il y a un instant. D'abord, Caïn est le premier bâtisseur d'une ville. Bâtir une ville, ça implique des moyens techniques qui peuvent sembler primitifs, qui ne le sont d'ailleurs peut-être pas autant qu'on le pense. Et dernièrement, on a fait en Égypte des découvertes absolument qui interpellent. Vous savez, on a toujours tendance à considérer les anciens comme des espèces de demeurer plutôt bête. Et il ne faut pas les prendre pour des imbéciles, les anciens. À l'époque des pyramides en Égypte, l'ancien empire, on a trouvé des documents qui datent de cette époque, avec des schémas qui ont complètement interpellé les archéologues. On avait l'impression d'une installation électrique. Et les archéologues se posent la question: est-ce que les anciens égyptiens n'auraient pas déjà découvert l'électricité? On hésite à répondre à cette question d'une manière positive, parce que ça nous paraît tellement énorme, nous qui nous glorifions de notre science et de notre technologie, penser que nos ancêtres auraient pu avoir des connaissances de ce type-là. Alors, notre premier instinct, c'est de le rejeter. Bon, je laisse le débat ouvert, mais en ce moment, il est discuté justement par des spécialistes. En tout cas, donc, Caïn construit une ville. Une ville dans laquelle il se met à l'abri. Peut-être aussi cherche-t-il, d'une certaine manière, par ce moyen-là, comme l'a montré Victor Hugo, à fuir la colère de Dieu. Un de ses descendants, Tuval Caïn, va inventer la métallurgie. Un autre, nous l'avons vu, la musique. Par conséquent, on a l'impression d'un progrès. Et aujourd'hui, le progressisme, c'est, on pourrait dire, la religion moderne, la religion actuelle. C'est tout à fait étonnant, d'ailleurs, parce que cette religion du progrès qui est née avec, justement, l'essor des sciences et des techniques à partir du XVIIIe siècle, a donné lieu à cette idéologie par le progrès technique et scientifique. L'homme va pouvoir s'égaler à Dieu. Cette idéologie du progrès a subi évidemment de graves remises en question, notamment après les deux guerres mondiales. Parce que l'on considérait qu'avec le progrès technique, il y aurait aussi un progrès spirituel et moral. Et on a été obligé de se rendre compte que s'il y avait indiscutablement un progrès scientifique et technique, il n'y avait pas de progrès moral qui suivait. C'était même l'inverse. Et nous arrivons aujourd'hui à un stade, le dernier stade de cette évolution, où, de fait, l'homme a réussi à créer une sorte de paradis terrestre où nous vivons dans un confort qui n'a jamais été égalé à aucune autre période de l'histoire. Nous vivons dans un paradis matériel, mais dans un enfer spirituel. Et c'est exactement ce qui va se passer aussi entre Abraham, entre Adam et Noé. Entre Adam et Noé, il y a une succession de 10 générations. Ça fait partie aussi d'une espèce de mathématique biblique qui est basée aussi sur la symbolique des chiffres. Et 10 est un chiffre, ou plutôt un nombre, pardon. Merci, ma professeure de mathématiques. C'est un nombre qui a une signification négative. c'est le nombre de l'épreuve, de la difficulté, les 10 plaies d'Égypte, les 10 jours de la tribulation de l'église de Thyatire, etc. Il y a de nombreux exemples où le chiffre 10, le nombre 10, a une signification négative. Et ce que veut nous dire symboliquement l'auteur de la Genèse est ceci. Au début de la Genèse, on part d'un état qui est celui de la perfection. Dans ce monde merveilleux qui est sorti des mains du Créateur, il n'y a pas aucune trace de mal, aucune trace de souffrance. Tout est harmonieux, tout est parfait. Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était très bon. Et quand on arrive à la 10e génération après Adam, c'est-à-dire la génération de Noé, tout est mauvais. Au début, tout était bon et tout est mauvais juste à la veille du déluge. Et c'est précisément parce que tout est devenu mauvais que ce monde-là va périr. Et le texte biblique est très clair. La terre était corrompue. Ça veut dire, cette création merveilleuse qui était sortie des mains du Créateur était totalement arrivée à un point de déliquescence, de putréfaction, qui faisait qu'elle ne pouvait plus subsister plus longtemps. Tout est devenu mauvais. Le mal règne partout. Et pourtant, nous avons eu, effectivement, pendant cette période, un progrès technique indiscutable. Et l'archéologie, d'ailleurs, permet de le montrer. Parmi les ancêtres de cette lignée de Caïn, il y a un certain Mehuyael. Ça veut dire, littéralement, quelqu'un qui oublie Dieu. Et les sages d'Israël nous disent que ce personnage porte ce nom parce que justement, la civilisation de l'époque était devenue tellement brillante sur le plan matériel, tellement développée, que les hommes de cette période-là en avaient oublié Dieu. Il a pour descendant un autre personnage qui lui aussi va avoir une autre vision des choses. Un homme qui demande la mort, parce que justement, en même temps, le monde est tellement dégénéré que malgré le progrès matériel, la décadence spirituelle et morale fait que ce monde est devenu invivable. Et les hommes de cette génération, nous disent les sages d'Israël, préfère la mort plutôt que de continuer à vivre dans des situations de ce type-là. C'est ce que nous dit aussi le livre de l'Apocalypse, que dans les temps de la fin, les hommes souhaiteront la mort et la mort fuira loin d'eux. Il est intéressant de noter, comme le disait un de mes amis, actuellement, la première cause de mortalité des jeunes de moins de 30 ans, c'est le suicide. Le suicide, pourquoi ? Parce que ces jeunes ne supportent plus, justement, d'être ces Caïn errant de ci et de là, sans point de repère, sans avoir aucune espérance, sans avoir la moindre idée de ce d'où ils viennent et ce vers quoi ils vont. Alors ils préfèrent la mort que la vie. Et parmi ces jeunes qui se suicident, et ça c'est peut-être le plus dramatique encore, il y a de jeunes enfants. Des enfants entre 8 et 14 ans qui se suicident. Ça devrait interpeller les adultes. Mais apparemment, ça ne le fait pas. Voyez-vous, ce qui est arrivé au Père est une prophétie de ce qui arrivera dans les temps de la fin. Et ce n'est pas sans raison que Jésus a pris l'exemple de la génération de Noé pour dire « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi au temps du Fils de l'homme. » Ça veut dire que au temps de la fin, nous arriverons dans une situation semblable, où il y aura un progrès scientifique et technique sans précédent, comme ce fut le cas à l'état au temps de Méhougaël, de telle sorte que, fiers de leur réalisation, les hommes penseront avoir atteint leur but, être comme Dieu. Par conséquent, ils voudront se passer de Dieu, ils voudront oublier Dieu. Et évidemment, vous l'avez compris, toute allusion à des événements actuels ne serait qu'une pure coïncidence. Et en même temps, donc ici, un déclin spirituel et moral sans aucun précédent. Dieu voit cette situation qui va en se dégradant au fur et à mesure que les générations passent. Et Dieu va tenter d'intervenir pour essayer d'enrayer, d'endiguer cette dégringolade qui est celle de l'humanité au commencement. Il va le faire d'abord en suscitant un prophète. Le prophétisme naît à cette période-là. Et le premier des prophètes est un homme qui, lui, appartient non pas à la descendance de Caïn, mais à la descendance de Seth, qui est, au contraire, elle, et la lignée des justes, qui se nomme Enoch, Hanor en hébreu. C'est intéressant qu'il y a aussi un Hanor dans la généalogie de Caïn. Et d'ailleurs, son père va donner à la ville qu'il construit son nom, Hanor, la plus ancienne ville qui ait été construite par les hommes. Enoch, un homme dont il nous est dit qu'il marche avec Dieu. Et là aussi, d'une certaine manière, il tranche sur ce que sont justement les hommes de sa génération. Et Judas, je l'appelle Judas, excusez-moi, hein, parce que c'est son vrai nom. Jude, c'est une volonté justement de rester dans une perspective antisémite. Je fais cette petite digression. Parce que dans le Nouveau Testament, il y a les bons et les mauvais Judas. Et chaque fois qu'on a affaire à un bon Judas, on l'appelle Jude. Et quand on a affaire à des mauvais Judas, tel Judas Iscariote, on continue à les appeler Judas. Judas, ou Jude, comme on le dit dans nos Bibles, n'est autre que le propre frère de Jésus selon la chair. Et Judas, dans son épître, cite Enoch, justement. Et il nous dit, Enoch, le septième depuis Noé, ça aussi, on retrouve la mathématique biblique, sept, le chiffre de la perfection, à la septième génération, Dieu va susciter cet homme juste qui non seulement va marcher avec lui, mais qui plus est, va devenir aussi un prophète. Et Judas, le frère de Jésus, nous dit dans son épître qu'il a prophétisé pour les temps de la fin, c'est-à-dire pour notre temps. Et cette prophétie est la suivante. Le Seigneur est venu avec 10 000 milliers de ses saints pour faire rendre compte aux hommes de tous les temps, de tous les actes d'impiété qu'ils ont accomplis sur la terre. Ce texte-là se trouve dans un livre, ou des livres très exactement, qui date d'un petit siècle avant le Nouveau Testament, avant Jésus, et que l'on appelle justement la littérature d'Enoch. Nous avons 4 livres qui sont attribués à Enoch. Ces livres n'ont jamais été considérés comme inspirés par l'Église chrétienne, sauf par quelques églises orientales, par exemple l'Église éthiopienne ou bien des églises slaves, de telle sorte que ces livres d'Enoch, ces quatre livres d'Enoch, nous sont parvenus dans ces langues-là, en éthiopien ou en slavon, c'est-à-dire en vieux slave. Parce que pour ces églises-là, pour ces chrétiens, ces livres d'Enoch étaient inspirés, et ils l'étaient, parce que de fait, l'apôtre Judas, les cite quelques textes qui sont tirés de ces livres d'Enoch. L'Église, dans son ensemble, dans sa grande majorité, a rejeté ces conclusions-là, et à mon sens, avec raison. Néanmoins, comme le disait un grand spécialiste de ces questions, avec lesquelles j'ai eu l'occasion de m'entretenir justement au sujet de ces livres, eh bien, les livres d'Enoch, qui sont en réalité des fictions, ils n'ont jamais été écrits par Enoch lui-même. Mais il est possible que l'auteur du livre d'Enoch, qui s'est fait passer pour Enoch, en ce sens, il était un faussaire, et c'est pourquoi nous ne pouvons pas considérer ces livres-là comme inspirés, parce qu'ils ont été écrits par des faussaires. Mais il est possible que ce personnage d'Enoch, qui se faisait passer pour Enoch, ait conservé des traditions qui remontent aux origines de l'humanité. Et notamment, on trouve dans un de ces livres d'Enoch une mention de ce à quoi nous faisions allusion ce matin. Je vais essayer de retrouver la citation exacte, voilà. Dans un texte, il nous dit ceci, il est question de ces deux livres, le livre de l'histoire du ciel et de la terre et l'histoire, le livre de l'histoire de l'homme. Et Enoch dit à ses descendants, à son fils notamment, Methushalar, le fameux Mathusalem qui a vécu près d'un millénaire, « Donnez ces livres à vos fils afin qu'ils les lisent et qu'ils en vivent. » Donc, il est vraisemblable qu'Enoch et ses fils ont conservé dans ces livres qui ont été transférés de génération en génération un certain nombre de prophéties qui avaient été données par le véritable Enoch cette fois-ci. Et conduit comme il l'était par le Saint-Esprit, l'apôtre Judas a su discerner dans ces livres d'Enoch ce qui était réel et il les a intégrés dans son épître. Donc ici, Dieu avertit ces gens des jugements qui viennent. Et en plus de ça, Enoch va accomplir, comme beaucoup de prophètes après lui, un signe prophétique. Les prophètes sont non seulement des gens qui parlent, mais ceci aussi des gens qui font des signes prophétiques. Par exemple, Ézéchiel va perdre sa femme, brusquement, et il reçoit de Dieu l'ordre de ne pas la pleurer. Et on lui demande, mais cette femme, tu l'aimais beaucoup, et c'est tout l'effet que ça te fait. Tu ne la pleures pas, cette femme. Non, dit Ézéchiel, parce que c'est le drame que je viens de vivre, c'est le drame que Dieu va vivre quand Israël sera emmené en exil. Et Israël qui va connaître une sorte de mort, puisque la mort, nous l'avons vu, est en réalité un exil, eh bien, ça n'entraînera aucune lamentation de la part de Dieu en particulier. Donc le prophète devient un signe prophétique pour ceux qui l'entourent. Nous retrouvons ça aussi avec Ésaïe, qui va marcher nu et déchaussé dans la ville de Jérusalem. Pourquoi ? Parce que c'est une prophétie de ce qui va se passer quand Jérusalem sera emmenée en exil. Et sur les bas-reliefs, par exemple, des Assyriens, on voit, après les sièges des villes par les Assyriens, les prisonniers qui partent en exil, nus et déchaussés. Donc, en se promenant dans les rues de Jérusalem, nus et déchaussés, le prophète annonce que c'est le sort que Jérusalem, que les habitants de Jérusalem vont connaître quand aura lieu justement la déportation. C'est un signe prophétique. Je pourrais citer de nombreux exemples. Il y en a aussi un autre où le prophète reçoit l'ordre de donner à ses enfants des noms prophétiques. Le premier qui naît de son union avec ce que la Bible appelle la prophétesse, n'est-ce pas, c'est Shar Yashuv. Un reste seulement reviendra. L'exil va avoir lieu, et de cet exil, seulement un reste reviendra. Un deuxième enfant se nomme Maher Shlal Baz. Vite que on fasse du pillage et du butin. C'est aussi une prophétie, à savoir que quand l'ennemi viendra, eh bien, il se jettera sur le butin. Et puis, il y a un autre enfant qui, lui, au contraire, a un nom positif. Immanuel, Emmanuel, Dieu avec nous. Celui qui sera le prototype du Messie qui viendra au dernier jour. Enoch va agir de la même manière. Il reçoit de Dieu l'ordre de donner à son fils, premier-né, un nom prophétique. Metu Shalach, Matusalem en français. Et Metu Shalach en hébreu, ça veut dire « Lui mort, il l'enverra ». Qu'est-ce qu'il enverra ? Eh bien, la catastrophe que le prophète Enoch annonçait aux hommes de son temps. Et cette catastrophe, évidemment, n'était autre que le déluge. Lui mort, pourquoi lui mort ? Parce que ça veut dire que le jour où cet enfant, devenu vieux, mourra, eh bien, le Seigneur enverra la catastrophe. Et Metushalach, Matusalem, et l'homme qui a vécu la vie humaine la plus longue de toute l'histoire, près d'un millénaire. Ce qui veut dire que Dieu a donné aux hommes impies de cette période un délai de grâce de près d'un millénaire, 1000 ans, près de 1000 ans, pour qu'ils se repentent et qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Et si vous faites un calcul à partir de l'âge des patriarches, vous constatez que le déluge, de fait, est venu l'année de la mort de Metushalach. Donc, Dieu essaye de ramener le peuple en donnant du temps à ses pécheurs pour qu'ils se repentent. Mais ça échoue. Les hommes avancent encore plus dans la corruption. Alors Dieu va tenter une ultime expérience pour essayer d'enrayer la corruption de l'humanité. Et il va envoyer des anges prendre une forme humaine. Des anges peuvent-ils prendre une forme humaine ? Oui. Et l'apparition d'anges sous une forme humaine est souvent mentionnée dans l'Écriture. Et jusqu'à aujourd'hui, un certain nombre d'hommes et de femmes font l'expérience de visitation angélique. Dieu envoie des anges sous une forme humaine pour essayer justement de ramener ces hommes à ses voies. Mais les anges aussi sont des êtres qui peuvent être tentés et qui l'ont été encore avant les hommes, nous l'avons vu ce matin. Et les anges qui ont pris une forme humaine vont devenir ce qu'on appelle les Bnei Elohim, en hébreu, les fils de Dieu, qui viennent les fils de Dieu, Bnei Elohim, c'est dans la littérature hébraïque ancienne le nom que l'on donnait aux anges. Donc, tous les commentateurs juifs sont absolument catégoriques. Ces Bnei Elohim, ces fils de Dieu, sont bel et bien des anges. Et ils vont se laisser séduire par les femmes, et il va y avoir des unions contre nature qui vont avoir lieu entre ces gens, ces anges, qui vont être donc des anges déchus, et les femmes, et vont être, à ce moment-là, des êtres monstrueux, que la Bible appelle des Néphilim. On traduit cette expression par des géants. Mais la traduction exacte, c'est des êtres déchus. totalement déchu, totalement dégénéré. Et là aussi, voyez-vous, ce qui est arrivé au patriarche est une prophétie de ce qui arrivera à leurs descendants. Parce qu'aujourd'hui, avec les manipulations génétiques que l'on essaye de réaliser dans toutes sortes de laboratoires, en essayant de manipuler le génome humain, comme disait un de mes amis qui travaille beaucoup là-dessus, il me disait, on joue les apprentis sorciers. Parce que ce n'est pas parce qu'on éliminera un gène qu'on ajoutera un autre. Y compris d'ailleurs, on veut essayer d'introduire dans le génome humain des gènes qui viennent de certains animaux et vice-versa, d'introduire dans le génome de certains animaux des gènes humains, eh bien nous retrouvons exactement ce que nous dit ici la Bible. On va créer des monstres. Et ces monstres, au lieu d'être ceux qui vont ramener justement l'humanité dans les voies de Dieu, ils vont accélérer encore la décadence de cette humanité ancienne. Et au bout de la 10e génération, eh bien, Dieu dit, il n'y a rien à faire. Et l'humanité va mettre le comble à sa déchéance. Comme le disent les premiers versets du chapitre 7 que nous avons lu, du chapitre 6 que nous avons lu tout à l'heure. « Kol basar ishrit et darko » Alors on traduit de la manière suivante. « Dieu vit que chaque chair avait corrompu, sa voie, ou si vous voulez, sa conduite. » Et ça, les sages d'Israël nous expliquent que c'est un euphémisme pour dire que chaque être vivant, y compris les animaux, qui de ce fait vont connaître aussi le même sort que les hommes, le jugement de Dieu, avaient abandonné leur conduite sexuelle normale pour adopter une conduite sexuelle anormale, c'est-à-dire l'homosexualité. Quel est le péché qui va entraîner la destruction du monde ancien? C'est le péché d'homosexualité. Et les sages d'Israël nous disent que ce péché est le dernier stade avant le jugement de Dieu. Ça fait partie de ce qu'on appelle en hébreu les toévot, les infamies, les abominations. Un chapitre entier du Lévitique est consacré à ces choses-là. Tous les désordres dans le domaine sexuel auquel on peut rêver sont condamnés en tant que toévot, infamie, abomination, dans ce chapitre, c'est 26, si ma mémoire est bonne, ou 23 du Lévitique. Et je vous ai dit, un homme n'aura pas de relation sexuelle, ne découvrira pas la nudité. Découvrir la nudité en hébreu, ça veut dire avoir des relations sexuelles avec cette personne. Un homme ne découvrira pas la nudité de sa mère, la nudité de son père, nous verrons que c'est ce qui se passera aussi avec Noé, de sa sœur, bref, tous les incestes. Un homme ne couchera pas avec une bête comme on couche avec une femme. Et finalement, un homme ne couchera pas avec un homme. Là aussi, c'est la condamnation de l'homosexualité. Quand nous lisons ce que Paul nous dit dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, nous retrouvons aussi la même réalité. Paul nous montre cette décadence de l'humanité, qui est le parallèle de ce qui s'est passé dans le monde ancien, parce que, comme l'a dit Jésus, ce qui arriva au temps de Noé et au temps de Lot, péché d'homosexualité aussi, se retrouvera au temps de la venue du Fils de l'homme. Et Paul nous montre que parce que les hommes ont pratiqué l'idolâtrie, parce que se vantant sages, ils sont devenus d'être fous, eh bien Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour qu'ils commettent les choses les plus abominables. Et Paul évoque cette longue décadence de l'humanité dans le domaine moral, ce qui montre bien que s'il est vrai qu'il y a un progrès technique, il n'y a pas un progrès moral, il y a une décadence morale. Et Paul nous montre que le dernier stade de cette dépendance, de cette décadence, c'est l'homosexualité. L'homosexualité non seulement tolérée, mais prônée, voulue. Il y a dans le mot qu'emploie Paul, la racine qui signifie « enseigner ». Et Paul nous dit ceci, « Bien que les hommes connaissent le juste jugement de Dieu sur ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, alors on traduit par « ils approuvent ce qu'ils les font », mais le terme grec est beaucoup plus fort encore. Ils enseignent de le faire. Là aussi, toute allusion à des événements actuels ne serait que pure coïncidence. On parle de la théorie du genre. Qu'est-ce que c'est que la théorie du genre? Sinon, justement, d'enseigner aux enfants, dès leur plus jeune âge, qu'à pratiquer, justement, ces abominations contre nature. Et comme le disait David Wilkerson, en cela, nous sommes devenus pires que Sodome. Et quand on arrive à ce stade, le jugement de Dieu est inévitable. Là aussi, toute allusion à des événements actuels ne serait que pure coïncidence. Et Paul nous dit non seulement le jugement devient inévitable, mais le fait d'être livré à ces choses. Et nous voyons aujourd'hui, à table, plusieurs échangés là, pendant un de nos repas, en évoquant le fait que quelqu'un disait « À la télévision, on n'entend plus parler que de ça. C'est la promotion de l'homosexualité. Tout est une occasion pour faire la promotion de l'homosexualité. » C'est ce que Paul a annoncé comme étant le grand signe de la fin. Et Paul nous dit « Dieu les a livrés. » C'est le début du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu est déjà commencé. Voyez-vous, c'est un universitaire israélien, professeur Heskel Kaufmann, qui a écrit un livre qui s'appelle « Histoire de la religion d'Israël » et qui note dans ce livre ceci, la grande différence entre les religions païennes et le judéo-christianisme, c'est que toutes les religions païennes, sans exception, considère l'homosexualité comme quelque chose de normal. Et si vous prenez par exemple les codes anciens, le code de Hammurabi qui se trouve au Louvre, mais aussi les lois de Deshnouna, d'Apidishtar, d'autres lieux semblables, ces codes juridiques anciens font un statut juridique pour les homosexuels des deux sexes. Et, disait le professeur Kaufmann, le judéo-christianisme, le judaïsme, la Bible, et le premier livre de l'histoire humaine qui déclare que l'homosexualité, c'est une toeva, une abomination. Et il disait ceci, le jour où le judéo-christianisme aura admis l'homosexualité, il n'y aura plus de judéo-christianisme. Le judéo-christianisme se sera autodétruit parce qu'il ne repose essentiellement que sur cette base-là. Et aujourd'hui, c'est le combat essentiel de l'Église. Est-ce que, oui ou non, nous allons nous laisser persuader, comme le veulent les autorités publiques, de pratiquer ou d'accepter l'homosexualité, ou bien est-ce que nous allons dire non ? Avec tout ce que cela impliquera, c'est vrai, il y aura un prix à payer si nous disons non. Mais c'est l'enjeu de la survie du christianisme aujourd'hui. Je termine. Dieu voit cette situation dramatique. Et il dit, c'est plus possible. Là, j'exterminerai l'homme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tout a commencé dans un monde qui était parfait. Et là, un monde qui est entièrement corrompu. Et je dis, j'effacerai l'homme, que j'ai créé l'homme et les animaux, parce que les animaux aussi se sont mis à pratiquer l'homosexualité à cette période-là. Et il nous a dit, mais Dieu vit un homme, un seul, Noé, qui avait un autre esprit. Noé, nous l'avons vu tout à l'heure, était un homme juste dans sa génération. Noé, c'est l'anti-Adam. Adam s'est laissé séduire, s'est laissé capter justement par l'adversaire. Noé est un homme qui a su résister. Et Noé, de ce fait, va devenir un deuxième Adam. il va être le point de départ d'une humanité nouvelle, qui, après un retour au chaos, puisque le déluge, c'est l'eau qui va couvrir la terre, il y avait des ténèbres au commencement à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et à nouveau on se retrouve dans cette situation-là, mais Noé va se trouver dans une espèce de jardin d'Éden qui va être l'arche, qui va lui permettre de survivre et d'être le point de départ d'une humanité nouvelle. Et là aussi, Dieu montre qu'il y a un espoir pour l'humanité. Et à la suite de cet événement, et à cause de la seule justice de cet homme, Dieu va faire avec l'homme la première alliance, qui sera concrétisée par l'arc-en-ciel, l'alliance avec Dieu. Et là, eh bien, ce sont des choses nouvelles qui se mettent en place. Je terminerai tout simplement en évoquant ces choses nouvelles. En Mésopotamie, il y a des endroits que les anciens appelaient Tel et Boubou. Tel, c'est les ruines d'une ville. Tel, c'est une ville en ruine. Et Boubou, qui date d'avant le déluge. Et les anciens se souvenaient qu'il y avait des villes dont on pouvait encore voir les vestiges. Comme le dira l'apôtre Pierre, ce drame a été un avertissement pour les hommes de toutes les générations qu'on ne se moque pas de Dieu et qu'on ne pratique pas sans qu'il y en ait des conséquences graves, ce qui sont des abominations aux yeux de Dieu. Et c'est cette expression, tel à Boubou, ça veut dire aussi non seulement une ville qui date d'avant le déluge, mais une ville aussi, que finalement, au temps de la fin, sera reconstruite. Et les anciens avaient cette espérance que de cette catastrophe qui devait s'abattre au début et qui s'abattra à la fin, non plus sous la forme d'un déluge d'eau, mais d'un déluge de feu, quelque chose de nouveau allait renaître. Et c'est très intéressant de noter que le texte biblique nous dit ceci, « Ils rebâtiront sur des ruines anciennes, ils restaureront des villes dévastées depuis longtemps. » Et ce verset a été quelque chose d'important aussi pour les premiers sionistes. Et le fondateur du sionisme, qui était Theodor Herzl, a écrit à la fin de sa vie un roman d'anticipation dans lequel il décrivait le pays d'Israël restauré dont il rêvait. Il a écrit ce livre en allemand et ce livre porte donc en allemand le titre suivant « At Neuland », ce qui se traduit par « Pays ancien et nouveau ». Et lorsque les pionniers sont revenus en Israël, après justement la période du début du sionisme, ils avaient l'impression qu'ils allaient être aussi amenés à reconstruire sur des ruines anciennes. Et ils resteront des ruines anciennes dévastées depuis longtemps. Alors ils ont traduit en hébreu ce titre de Theodor Herzl, « At Neuland », ce qui donne en hébreu « Tel Aviv ». Et voyez-vous, c'était effectivement cette renaissance. Alors, nous arrivons maintenant à un stade où nous sommes à la veille d'un autre déluge, non plus d'eau, mais de feu. Mais avec cette certitude que de cette catastrophe naîtra aussi un monde nouveau. Noé avait été le premier qui avait reconstruit ce monde nouveau parce qu'il était juste dans cette génération. Ça lui avait coûté. Et ça nous coûtera aussi. Mais nous avons aussi cet appel d'être les justes de cette génération. Et ceux qui sont appelés à reconstruire sur des ruines anciennes. Et il faut reconstruire sur des ruines. Notre monde est en ruine. Notre christianisme est en ruine. Alors, il faut reconstruire. Dieu attend que dans ce temps se lèvent des Noé, qui eux aussi soient des justes dans leur temps, pour qu'ils reconstruisent sur d'anciennes ruines et connaissent ces réalités nouvelles, cette réalité d'un monde nouveau où la justice habitera. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous réalisons que ce qui s'est passé autrefois est en train de se reproduire exactement dans notre temps, comme tu l'avais annoncé par ton saint serviteur Jésus. Seigneur, tu nous rappelles aussi par tes apôtres que si le monde ancien périt par l'eau, le monde actuel est réservé pour un déluge de feu. Seigneur, nous sommes tristes de voir la corruption de cette génération. Cette corruption sans aucun précédent, qui va même encore plus loin que la corruption de ces générations que nous avons évoquées. Et Seigneur, nous réalisons que tu as des raisons d'être irrité contre cette génération. Tu vois aussi, Seigneur, que souvent nos églises aussi sont marquées par cet esprit de corruption qui est celui qui marque notre monde. Et voilà, Seigneur, que tu avais trouvé en son temps un homme qui était juste dans sa génération. Et Seigneur, tu nous rappelles ce soir que tu nous appelles, nous aussi, à être les Noé de cette génération, ceux qui se lèvent pour dire non et pour construire non pas une arche comme l'avait fait Noé, mais construire sur d'anciennes ruines des villes dévastées depuis longtemps. Reconstruire non pas matériellement mais spirituellement des endroits où des hommes et des femmes qui sont marqués par cette errance de Caïn, par ce goût, cet attrait pour la mort, par ce désespoir, cette angoisse qui va de pair avec le progrès de notre temps, puissent retrouver des points de repère véritables. Donne-nous, Seigneur, comme Enoch et comme son fils Métouchalar, d'être aussi pour ces gens-là des signes prophétiques dans notre temps, comme l'ont été les prophètes d'autrefois. Et qu'ainsi, Seigneur, notre vie puisse être aussi un message prophétique adressé aux hommes de ce temps. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.